Chapitre 15e, la haine d'un Allemand. Le lendemain, le mieux était plus sensible encore et sans patience put se tenir assis sur son lit. D'autre part, le docteur donna à l'ingénieur l'autorisation de causer un peu. Et ce fut avec le plaisir que l'on devine que les deux amis échangèrent quelques paroles. Sur sa demande, sans patience apprit ainsi que 8 jours auparavant, l'ingénieur avait fait télégraphier à sa sœur pour la rassurer sur leur sort à tous deux. « J'ai bien dit, de tous deux, » ajouta l'ingénieur, un peu narquois, « car il pourrait se faire que votre sort intéresse à ma sœur, pour le moins autant que le mien. »« C'est bon, » grommela sans patience, rouge comme un coq, mais pas de colère, cette fois. « Nous reparlerons de cela plus tard. » La vérité, c'est qu'il se maudissait intérieurement d'avoir, dans un moment tragique, livré le secret de son âme. Il lui donnait 10 ans de sa vie, pour n'avoir pas abordé ce sujet sur lequel, depuis, il n'avait eu ni le loisir, ni surtout la volonté de revenir. Car, par cet aveu, il avait, pour ainsi dire, brûlé ses vaisseaux. L'ingénieur, en effet, dont c'était le rôle et le devoir, ne manquerait pas de faire part à René de l'amour de son ami. Et que deviendrait la vie de sans patience, et surtout sa situation vis-à-vis de l'ingénieur, auquel il s'était très attaché, si la jeune fille, comme c'était probable, refusait de devenir sa femme. Heureusement, le docteur, qui s'était éloigné discrètement pendant les premiers épanchements des deux amis, le docteur entrait dans leur chambre, prêt, déclara-t-il, à se laisser interviewer par le gentleman aviateur français. Ce fut ce jour-là que nos deux amis apprirent ce qu'ils ignoraient encore. D'abord, leur aéroplane avait pu être soustrait à l'admiration destructive des citoyens de la libre Amérique, lesquels, pour pouvoir emporter chacun une relique de l'engin désormais historique, qui le premier avait effectué la traversée de l'océan, commençait à le dépecer. Heureusement, il avait été enlevé à temps et transporté dans un hangar de Jersey City, sous la garde de policemen munis d'ordre sévère. D'autre part, tout mutilé et à moitié carbonisé qu'ils fussent, on avait pu identifier les corps des deux aviateurs mystérieux dont l'agression sauvage avait failli coûter si cher aux deux Français. L'un d'eux se nommait John Rush. C'était un aviateur américain qui, jeune encore, il n'avait pas encore 30 ans, avait déjà fait parler de lui par d'audacieuses prouesses aériennes. En dernier, il habitait à Newark, un des faubourgs de New York. Il y avait fait construire un hangar dans lequel, disait-on, il travaillait un appareil absolument nouveau, destiné à l'armée et qui devait révolutionner l'aviation. Quelques semaines auparavant, on l'avait vu revenir de New York avec un personnage qui, depuis, ne l'avait pas quitté. Ce personnage était évidemment un étranger. Il parlait l'anglais avec un accent allemand assez prononcé et du reste se faisait appeler Guillaume Neumann. Comme l'aéroplane des Français, le monoplan de John Rush était muni d'ailes métalliques. De plus, l'inventeur américain avait réalisé, paraît-il, au moyen d'un dispositif électrique assez compliqué, le problème du gauchissement automatique, mais du gauchissement seulement, à l'exclusion de l'équilibre automatique longitudinal. Néanmoins, et naturellement avant l'apparition de l'appareil français, dit de la traversée de l'Atlantique, l'aéroplane de John Rush était bien supérieur à tous les autres types. On l'avait déjà vu faire quelques essais, monté par les deux hommes lorsqu'un jour se répandit à Newark l'arrivée sur le continent américain des deux aviateurs français qui venaient de franchir l'océan. Presque aussitôt que fut connu le lieu d'atterrissage probable de l'aéroplane français, l'appareil de John Rush prit l'air et se dirigea rapidement sur New York. On sait le reste. Quant au motif de l'agression, on en fut réduit sur le moment aux conjectures. Mais lorsqu'on put examiner les débris de l'aéroplane de John Rush et de ses passagers, on constata que ce n'était pas l'inventeur qui était au volant, mais bien Neumann. Dès lors, tout s'expliquait. Le guet-apens, c'était l'Allemand qui l'avait voulu, entraîné par sa haine contre les deux Français, dont l'exploit fabuleux avait couvert leur patrie de gloire. Peut-être avait-il pensé que l'inventeur du merveilleux appareil n'avait pas laissé de plan derrière lui, que cet appareil pouvait être le seul échantillon de son genre, et qu'en détruisant l'aéroplane et son créateur, il préservait sa patrie d'une infériorité dangereuse au point de vue aérien. Peut-être au contraire, n'avait-il obéi sans rien calculer qu'à l'aveugle et farouche inspiration d'un patriotisme exacerbé. Mais on tombait d'accord sur ce point qu'il avait dû entraîner l'inventeur américain dans cette sauvage et mortelle aventure en lui dissimulant son but à l'aide d'un prétexte quelconque et qu'au moment de l'attentat, John Rush, cloué à son siège, avait été dans l'impossibilité d'intervenir utilement. Cette version était vraisemblable. De plus, elle sauvegardait la réputation d'esprit large, hospitalier et généreux de la nation américaine. Aussi fut-elle immédiatement admise par tous comme l'expression indiscutable de la réalité. Il est de fait, observa sans patience, que ce n'est pas à coup d'éperon que nous nous attendions à être reçus dans le ciel de la libre Amérique. Croyez, gentlemen, répondit le docteur, que dans l'Union, on ne se serait pas consolé si cette agression traîtresse s'était tragiquement terminée pour vous. Néanmoins, et si satisfait que nous soyons tous de l'heureuse issue qu'a eue pour vous cette aventure, on était soulagé en apprenant que le coupable n'était pas un Américain. Je comprends cela. Après tout, ajouta sans patience, qui depuis la veille avait réfléchi, si la catastrophe est quelle, nous n'en sommes pas responsables. Nous ne demandions, nous deux, qu'à atterrir tranquillement, certes. Et si cet animal de Neumann n'avait pas eu l'idée perfide de nous entrer dans le chou, passez-moi l'expression, docteur. Tout se serait fort bien passé. Trop bien, répondit le docteur avec beaucoup de tranquillité, car il n'y aurait pas eu de combat, et par conséquent pas de catastrophe inédite. Or, une catastrophe comme celle-là pose un peuple, ne l'oubliez pas, gentlemen. Et puisque vous êtes sauf, il n'est pas un citoyen américain qui regrette quoi que ce soit. Sauf les victimes, toutefois. Bon, ceux qui sont morts ne peuvent plus rien regretter. Quant aux blessés, ils sont fiers, n'en doutez pas, d'avoir été estropiés dans une circonstance aussi glorieuse pour leur pays. Sans patience ne répondit pas. Ne pouvant décidément s'accoutumer à des théories aussi désinvoltes, il contemplait le docteur comme un phénomène. Quant à l'ingénieur, il riait de bon cœur de voir la mine effarée de son ami. « Vous ne désirez plus rien savoir ?» interrogea le docteur. « Ma foi, » répondit sans patience, qui recouvra la parole. « Je ne vois pas ce que vous pourriez m'apprendre de nouveau. » « Ah, sapristi, si, à quelle date sommes-nous ? » « C'est aujourd'hui le 4 février. »« Quand me donnerez-vous, mon exéate ?»« D'ici 8 jours, vous pourrez vous lever un peu, mais en gardant la chambre. Quant à sortir et circuler, il n'y faut pas compter avant au moins 3 semaines. »« Alors cela va bien, » dit sans patience, qui avait rapidement calculé qu'il serait en mesure de se rendre à Philadelphie pour l'époque fixée.